mardi 1er et dimanche 2 juillet, Radio Arc-en-Ciel organise sa traditionnelle fête des saints populaires au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Traditionnelle? Pas tout à fait. Cette année, c'est une version complètement inédite. Tout d'abord, un horaire modifié, puisque la programmation des festivités débute dès 17h le samedi 1er juillet et dès 10h le dimanche 2 juillet. Ensuite, une organisation complètement différente au niveau restauration, puisque le parc de Lignerolles accueillera un petit village de professionnels. Et oui, c'est la grande nouveauté de cette année. Un village restauration pour satisfaire les palais les plus variés. Enfin, on garde un concept d'une programmation musicale riche en couleurs, en sélectionnant un panel d'artistes de style varié pour animer ce week-end. Hop, mais donne-nous les noms. Le samedi, les festivités seront ouvertes vers 17h par les groupes de Bourges, Soleil du Portugal, Os Amarantinos de Olivet, Os Amigos de Portugal, suivi par le groupe folklorique Soleil du Portugal de Main-sur-Loire. Vers 20h, animation musicale par DJ Frankie qui chauffera le parc de Lignerolles. À 22h, le groupe Capanegra animera la nuit pour vous faire danser jusqu'à 1h du matin. Le dimanche 2 juillet, rendez-vous à partir de 10h au parc de Lignerolles. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anthony Walsh, Dan Tiberio, Lian Cruz, Claudio Caramello. De jeito na pista. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Tradição do ar, hey! Vira o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, hey! Vira o malhão. Manda-me um bilhete de postal. Luís Manuel. Portugal, eu te peço por favor. Manda-me um postal ilustrado com o teu retrato numa carta de amor. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour au Jbombo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, mais je veille en touche. On compte sur vous. Organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Bonjour à tous, musique danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute. Voici tout simplement comme chaque mardi après-midi, à partir de tout simplement très entente, voici l'émission Vidance jusqu'à 17h. Voilà, j'espère que vous avez passé tout simplement une très bonne matinée, puis ainsi que vous allez continuer de passer un excellent après-midi avec les chansons tout simplement. Voilà donc, eh bien, je vais passer une très bonne après-midi avec les chansons souvenirs. Et voici, on va débuter avec tout simplement avec France Gall. France Gall avec son titre La Déclaration d'amour. Et puis juste après avec Annie Cordy. Et puis après ce sera Le Boulevard Désert. Journée à tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Autour de deuil, tous ses clients se pressent. Il a pour chacun un petit mot d'allégresse, mais il s'est posé avec beaucoup d'adresse. Les jolis poissons tout frétillants, bien des jolies filles viennent voir son étalage afin d'écouter son petit bavardage. Mais pendant le travail, jamais de badinage. Gaston est avant tout commerçant. Quand après sa tournée, ouais ouais, il a tout liquidé. On le voit quelquefois revenir sur ses pas. Moi, je sais pourquoi. Il vous donne l'impression de faire des livraisons. Pourtant, la vraie raison, c'est que le coquin va voir ses béquins. Et comme voyez-vous, il est célibataire. Et que dans le pays, il y a beaucoup de rosières. Il a un succès, c'est extraordinaire. Ce n'est plus de l'amour, c'est de la passion. Même la vieille marquise et les dames patronesses lui ont fait goûter leur petit vin de messe. Mais là, je ne dis pas qu'il a eu des faiblesses, car il a très bonne éducation. On peut bien remplacer, ouais, ouais, le maire, le député, ouais, ouais. Je peux bien vous l'avouer, les gens du canton se font une raison. Mais s'il y a un petit gars auquel on ne touchera pas sans faire une explosion, c'est le marchand de poissons qu'on appelle Gaston. C'est le petit Gaston, le marchand de poissons. La langue délicieuse, j'aurais une part de moi milleuse que j'aurais pu nu désormais. Oh mon amour, qu'avons-nous fait? Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celle qui reste plantée à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, à Bruxelles. Si j'ignorais tout de toi, je serais tranquille pour qu'on le soit. Si on ne s'était jamais vu, tu m'as fait des fesses à ton insu. J'aurais le compliment facile, je serais l'homme fort et le docile, ce dernier que je ne serai plus. Mon amour, je nous ai perdus. Je suis de ceux qui restent au port, je sais qu'on devait rire encore. Je suis de ceux, mais tu es de celle qui reste plantée à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. C'est du dripping, t'es un cadeau pour la rétine. T'es sur une toile de Mondrian que je saccage de mille couleurs. Je t'ai sans vergogne et sans plan, juste comme ça pour le bonheur. Je vous imagine même en camping à Bruxelles. Il y a ceux qui restent au port, il y a ceux qui rient encore. Il y a ceux, il y a celles qui restent plantés à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Si j'étais celui, toi tu es la seule. Si je reste ici, tu rentres à Bruxelles. Voici donc c'est Jérôme avec son titre Tu danses avec Lucie. Tu n'as jamais dansé aussi bien que ce soir. Je regarde briller tes cheveux blonds dans le noir.

Le titre, elle, avec Céline Dion, et puis juste après, Patrick Bruel. Qui déplie ses ailes avec les accents d'un oiseau chantant, et tous les musiciens se retournaient sur elle avec tout l'éclat de ce siècle-là où la valse était reine, où l'amour était roi dans un ciel de dentelle. Uriel promenait ses mains sur un clavecin et Chopin l'aimait bien. Chopin la trouvait belle avec un sourire pour le faire écrire, écouter les préludes qu'il composait. Puis son titre s'appelle Le cri ton nom. Tu t'es glissé dans ma vie avec moi. demoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris que la liberté a un prix, pour les chiens et les papillons, pour les hommes de toutes conditions, je pense à vous dès que j'écris. Mademoiselle qui m'avait appris à ne pas confondre les cris des marchands de révolution avec le peuple pour de bon, je me dois de vous dire merci. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris les rois de France et mon pays, les grandes cités industrielles, les montagnes, les neiges éternelles, ma reconnaissance infinie. Le son de votre voix me faisant la leçon, je l'ai gardé en moi comme une presque chanson, comme une presque chanson. Mademoiselle qui m'avait appris la lecture et la poésie, les jolies fables de La Fontaine, Victor Hugo et Paul Verlaine, vous avez embelli ma vie. Vous avez embelli ma vie. J'essayais. Le voici tout simplement Patrick Bruel avec son titre dans ce moment-là. Maison, manure à l'air, comme toujours, les autres fumaient sur le balcon. Marco et François en costard, Evelyne et Gégé en retard, Pascal en larmes au coin de la rue. Bleu, 16 ans à peine, ta première fois, qu'elle était belle. Nos éclats de rire dans le couloir, tellement jaloux, fallait nous voir. Les parties d'échecs, les moustiques, nos grandes engueulades.

manque un être. Oh. Après l'amour, quand nos membres sont lourds, au sein des draps froissés, nous restons enlacés. Après l'amour, au creux du jour, pour des amoureux, si tu n'aimes que moi, reste tout près de moi. Maladie d'amour, maladie de la jeunesse, si tu n'aimes que moi, viens mais prends garde à toi. Quand l'amour est petit, c'est joli, si joli, mais quand il devient fort, méfiez-vous mes amis. Caché sous le feuillage, c'est comme un serpent gris. N'allez pas quand il dort, surtout le réveiller. N'allez pas car il mord si vous le réveillez. L'amour est petit, c'est joli, si joli, mais quand il devient fort, c'est plus beau que la vie. J'irai sous le feuillage chercher le serpent gris, car l'amour c'est la mort, mais c'est le paradis. Car l'amour c'est la mort, mais c'est le paradis. Car l'amour c'est la mort, mais c'est le paradis, car la... Arc-en-ciel. Voilà, je reste avec les chansons portugaises. On se retrouve juste après. Voici donc Catherine Lara avec Nuit Magique, et puis juste après elle, on écoutera Le Compris. Just looked, but I don't see. from behind and whisper my name. Not right for me to love you. It's not right to feel this way. I wish that I were far away from you, but I know I couldn't stay. You're not free as someone worships you. I'm in hell when you're here with me, and so afraid when you are gone, and when you hold me so close to you, somehow I just can't distinguish right from wrong. Danse avec Nicolas sur Radio Arc-en-Ciel 96.2 en couleur. Bonne écoute! Voici donc un autre titre country. Oui, donc après l'autre, le titre s'appelle Liberté avec Chris Adams. grass that is withered. No, no. Yeah, I'm one of the lucky ones. I got out quick before the damage was done. She don't know what's coming. She'd be better off running. She's built and I hear thunder. She sees the future shining bright. I know the spell. He's got her under, wrapped her up in butterflies. He's a little word to the wise. They got a little free advice. She's your but a country mouse. Oh, she's your but a country mouse. Oh, oh. They used the same old lies rehearsed in the mirror about a thousand times. But he can't give much cause he ain't got nothing. No, he ain't got nothing. Man, he's really something. She'd be better off running, running, running, running. She feels and I hear thunder. She sees the future shining bright. I know the spell. He's got her under, wrapped her up in butterflies. He's a little word to the wise. They got a little free. She sees the future shining bright. I know the spell. He's got her under, wrapped her up in butterflies. He's a little word to the wise. Yeah, got a little free advice. She's your but a country mouse. Oh, she's your but a country mouse. Oh, she's your but a country mouse. Yeah.

ma go, les pieds dans l'eau. Rayon soleil caresse ma peau et je m'en bats les reins. Quand tout est noir, je mets les pleins phares. Je traîne par le soir, cherche de l'espoir. Je regarde ma, je trouve ça bizarre. J'ai des bastos dans ma guitare. Je me sens seul dans l'univers. J'aime pas ta gueule, ouais, comme l'hiver. Comme aujourd'hui et comme hier, on verra demain. Parle dans mon dos, c'est pas bien. On verra demain. Je suis posé au calme, je me mets bien. Et je m'en bats les reins. J'ai pas ton temps, quand je suis content, t'es pas content, t'es pas mon pote, t'es pas mon sang, donc je m'en bats les reins. Ok, je suis frais, sans faire exprès, ok, je suis prêt pour la requête. Tout comme l'amour, tout comme la paix, je me suis perdu comme le respect. Si tu kiffes pas, bah c'est pas grave, je te calcule pas, je sais même pas ton blaze. Mais si je te croise dans les parages, tu verras pas demain. C'est pas bien, on verra demain. Je suis posé au calme, je me mets bien. Et je m'en bats les reins. Dansant Voilà donc, juste après Lydie Barolivien, voici donc Régis Fléchot avec L'amour, c'est beau. Et puis juste après, Julio Iglesias. Cantel me dice

Voici donc le groupe Indochine, et puis juste après eux, on écoutera tout simplement ben, Je te survivrai avec Jean-Pierre François. Je pourrais peut-être vous laisse avec deux titres portugais, puis après on se retrouve avec Gilbert Beco. جاي افهم كامي انا شخوص يا فورتونا زي موتوريشتا اسش كرافي مفارتاي مديوم موضوع فورتونيشتا كي مغير نام تربولس شلومي وبولس ونام خوبار ملور بمير مك سر ملاندرو اسين تيش مايش كي غانا انا بوز فورتونيش جنت بوي دي ترابالو Où la pluie viendra, nous serons toi et moi les plus riches du monde, les plus riches du monde, les arbres pleurant de joie.

dès 17h le samedi 1er juillet et dès 10h le dimanche 2 juillet. Ensuite, une organisation complètement différente au niveau restauration, puisque le parc de Nigrol accueillera un petit village de professionnels. Et oui, c'est la grande nouveauté de cette année. Un village restauration pour satisfaire les palais les plus variés. Enfin, on garde un concept d'une programmation musicale riche en couleurs, en sélectionnant un panel d'artistes de style varié pour animer ce week-end. Hop, hop, hop, hop, hop, mais donne-nous les noms. Le samedi, les festivités seront ouvertes vers 17h par les groupes de Bourges, Soleil du Portugal, Os Amarantinos de Olivet, Os Amigos de Portugal, suivi par le groupe folklorique Soleil du Portugal de Main-sur-Loire. Vers 20h, animation musicale par DJ Franky qui chauffera le parc de Nigrol. À 22h, le groupe Capa Negra animera la nuit pour vous faire danser jusqu'à 1h du matin. Le dimanche 2 juillet, rendez-vous à partir de 10h au parc de Nigrol. Les émissions de Radio Arc-en-Ciel seront faites en direct du parc. Ensuite, vous pourrez découvrir l'ensemble des artistes qui ont été sélectionnés pour cette occasion. Anthony Walsh, Dan Tiberio, Lian Cruz, Cláudia Caramelo, de jeito na pista. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Tradição do ar, viva o malhão. Vamos todos dançar, vira e bate o pé no chão. Com os braços no ar, viva o malhão. Manda-me um bilhete de pressão. Luís Manuel, eu te peço por favor. Manda-me um postão ilustrado com o teu. Clôture des festivités par les trois groupes de tambour au Jouombo. Venez découvrir cette nouvelle édition de la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel le samedi 1er et le dimanche 2 juillet au parc de Nigrol à Fleury-les-Aubrais. Venez en famille, entre amis, me joignons tous. On compte sur vous. Une organisation Radio Arc-en-Ciel. Arc-en-Ciel. Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le peintre en bâtiment, quand il repeint l'appartement, chante gaiement l'air de Guillaume Tell sur sa grande échelle, parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Mais le notaire qu'on voit passer avec son œil glacé, sa petite serviette, son pardessus et son air compassé, rasant les murs du vieux lycée à petits pas pressés. Oh, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, ben j'ai compris, je chante comme ça, tra-la-la, tra-la-la, parce que ça me donne du courage, ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrête, sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens sont bêtes. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Quand le facteur part en tournée, on l'entend toute la matinée fredonner. Parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Et le plongeur de la guinguette, quand il jongle avec ses assiettes, chante à tue-tête, l'air de Missiliette et l'escarpolette, parce que ça lui donne du courage, ça lui remet le cœur à l'ouvrage. Monsieur Mathieu, le contentieux, 37 rue Richelieu, un triste lieu sombre et crasseux, tout plein de papiers bleus, des lunettes noires qui lui font voir un monde sans espoir. Oh, qu'il est triste, triste, triste. Alors moi, quand ça ne va pas, bah j'ai compris, je chante comme ça, tra-la-la, parce que ça me donne du courage, ça me remet le cœur à l'ouvrage. Sans tic-tac, l'horloge s'arrêtait, sans clochette, pas de troupeau. Sans amour, les gens s'embêtent, sans chanson, pas de cœur au boulot. Sans chanson, pas de cœur au boulot. Ma vie sera la tienne, méditerranéenne, ô Sainte-Marie que j'aime. Y a danger pour l'étranger. T'as sur le front la croix de ton village, et de grands yeux noirs qui me dévisagent. Qui t'a donné ce déhanché, toi qui es né entre les vignes et les champs d'olivier. Dans ta famille, on aime les orages, les flamants roses et les chevaux sauvages. Éparpillés, ensoleillés, ensorcelés, comme le sont tous les gens du voyage. Viens me rejoindre à la nuit, les prends garde, car tu sais bien que ton frère regarde, qu'il t'a juré, y a danger pour l'étranger. Méditerranéenne, mais qu'est-ce que tu es belle, ce parfum de poème, je l'aimerais, puisque tu m'aimes. Il y a danger pour l'étranger. Mais j'ai envie de courir dans les vagues et de crier sous le ciel de Camargue. Qui t'a donné ce déhanché, la majesté d'être nu-pied au milieu des gitanes. À la tombée du jour, le feu, les flammes ranime l'amour dans le cœur des femmes. Quand tu es triste, un guitariste, un violoniste est toujours là pour jouer du vagalin. Viens me rejoindre à la nuit, et prends garde, car tu sais bien que ton frère nous regarde, qu'il t'a juré, y a danger pour l'étranger. Dans la plaine, ô Sainte-Marie que j'aime. Danger pour l'étranger.

s'appelle tout simplement Mélissa avec le titre Où es-tu ? Et puis Laura Fabien avec tout simplement Laisse-moi rêver. Thank you. insupportable. C'est un footing bien lourd, de mots doux à chaque phrase. Elle est belle, t'as qui chapeau. Mon cœur, passe-moi ça là. Et ça se fait des mamours, se donne à béquer à table. Ce mélange de sentiments aromatisés aux fines herbes me fait sourire gentiment et finalement me donne la gerbe. J'ai un écho qui me rappelle que je suis seul. Je déteste les coupes chaudes et tout court. Mon cœur, mon amour. Mon cœur, mon cœur. Mon amour, mon amour. Mon cœur. Nappé de crème pâtissière. Coucou, qu'est-ce que tu fais mon cœur? La même chose qu'il y a une demi-heure. Je t'ai appelé à 5 minutes son nom, je me suis répondu pas. Alors je m'inquiétais, alors je t'ai rappelé. Pour la deuxième fois de la journée, en y comptant mon forfait. Qu'est-ce que tu fais on adoré? Ouais, je sais, on se voit après. Moi je t'embrasse fort à mon lever, je t'embrasse. De Capéo avec ça va, ça va. Arc-en-ciel. Mais avant de l'écouter, voici du Zouké juste après, c'est lui.

Diverses animations avec la présence de Radio Arc-en-Ciel pour une émission en direct du magasin, mais également le chanteur Fernando Martins, le groupe folklorique et les tambours de Soleil du Portugal de Main-sur-Loire et sans oublier les tambours aux Amarantinos de Livé. Alors venez nombreux pour partager un moment convivial au rythme du Portugal dans votre magasin Hyper Rue de Baule le vendredi 16 juin à partir de 19h. La Ronda Mignota organise un festival les 17 et 18 juin. Le samedi 17 à partir de 20h, vous avez la possibilité de dîner sur place. Pour cela, il vous suffit de réserver avant le 11 juin au 06 15 99 41 44. Il vous sera servi une entrée, bacalhau à ronde, un dessert et un café. Le prix par personne est de 23€ et de 12€ pour les enfants de moins de 10 ans. À partir de 21h, ouverture de la soirée avec Os Bombos d'Olivé, puis suivi du groupe Capanegra. Le dimanche 18, à partir de 14h, vous y retrouverez les groupes folkloriques de la Ronda Mignota d'Orléans, Saudades de Portugal de Saint-Geneviève-des-Bois, Coração Unidos de Portugal de Les Roses et Estrelas Douradas de Versailles. Et pour clôturer le festival, vous retrouverez les Bombos d'Olivé. Alors rendez-vous les 17 et 18 juin à la Ronda Mignota d'Orléans. L'association portugaise de Saint-Benoît-sur-Loire organise le 8 et 9 juillet leur grande fête du port. Vous y trouverez différentes animations autour d'un grand barbecue tout le week-end. Le samedi 8, à partir de 19h, place au tambour de Flori, Amigos de Portugal. Et à partir de 21h, un grand bal animé par le groupe Energia. Le dimanche 9, à partir de midi, vous y trouverez les tambours de Flori, Amigos de Portugal, le groupe folklorique Ronda Típica, le groupe musical Paul du Sol et le groupe folklorique de Main-sur-Loire. Alors n'hésitez pas, rendez-vous le 8 et 9 juillet à Saint-Benoît-sur-Loire pour la fête du port. RPG International, professionnel du voyage près de chez vous. Voyage à faire, personnel, vacances, transport spécialisé en liaison aéroport. Location de chauffeurs avec ou sans voiture, disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Nos chauffeurs sont à votre service en français, anglais, portugais et espagnol. Simplifiez-vous, la vie est réservée chez RPG International. Par mail à rpg.international@orange.fr. Par téléphone au 02 38 62 64 79 et sur le site www.rpg-international.fr. Com RPG Internacional pode viajar todos os dias, noite e dia, sabendo que RPG significa R de rápido, P de prioritário e G de garantia. Contacte já 02-38-62-6479 ou por e-mail rpg.internacional@orange.fr. Saiba mais no nosso site www.rpg-internacional.fr. Nettoyage, 117 route nationale 45140 Ingrée, 02 38 22 08 57. Mail accueil@calinette.fr. Calinette Nettoyage est une entreprise reconnue dans le département du Loiret pour son savoir-faire et son professionnalisme. Calinette Nettoyage, votre expert en nettoyage près d'Orléans. Remise en état, avant travaux ou suite à un sinistre, entretien d'espaces verts, le nettoyage de vos parcs et jardins. Des solutions performantes et adaptées à chacun de vos besoins. Calinette Nettoyage. Compte à rebours pour la fête des saints populaires de Radio Arc-en-Ciel est lancé. Samedi 1er et dimanche 2 juillet, Radio Arc-en-Ciel organise sa traditionnelle fête des saints populaires au parc de Lignerolles à Fleury-les-Aubrais. Traditionnelle? Pas tout à fait. Cette année, c'est une version complètement inédite. Ma

tenho uma mão cheia de nada. Somos um todo imperfeito. Tu és inteira e eu desfeito. Vamos fazer o que ainda não foi feito. Boa tarde, são 4 horas em Portugal Continental e na Madeira, 3 nos Açores. Esta hora em destaque nas notícias. O Ministério da Agricultura já está a fazer o levantamento de prejuízos causados pela chuva e granizo que caíram ontem nos concelhos de Meda e Vila Nova de Foscoa. Paul McCartney utilizou inteligência artificial para ajudar a criar a última canção dos Beatles, cantada por John Lennon. Previsão para amanhã de um dia de sol com a possibilidade de chuva fraca no litoral norte do Cabo Carvoeiro até meio da manhã. Está também prevista a subida da temperatura máxima. Madeira com chuva fraca norte e nas zonas mais altas a partir da tarde. Açores com um misto de sol e nuvens, também com a possibilidade de alguma chuva fraca. Nesta altura em Ponta Delgada e no Porto estão 21 graus, 23 no Funchal, 24 em Lisboa e 25 em Faro. As notícias às 4. A edição é de Mário Rui.